Daniel chapitre 8. La troisième année du roi Belsatsar, une vision m'apparut, à moi Daniel, après celle qui m'était apparue au commencement. Je vis donc une vision, et ce fut à Susan, capitale de la province d'Élam, que je la vis. Je vis, dis-je, une vision, et j'étais sur le fleuve du Laï. Et j'élevai mes yeux, et regardai, et voici, un bélier se tenait près du fleuve, et il avait deux cornes, et les deux cornes étaient hautes. Mais l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'élevait sur le derrière. Je vis ce bélier heurtant des cornes contre l'Occident, et contre l'Aquilon, et contre le Midi, et pas une bête ne pouvait subsister devant lui, et il n'y avait personne qui lui pût rien ôter, mais il agissait selon sa volonté, et devenait grand. Et comme je regardais cela, voici, un bouc d'entre les chèvres venait de l'Occident sur le dessus de toute la terre, et ne touchait point à terre. Et ce bouc avait entre ses yeux une corne, qui paraissait beaucoup. Et il vint jusqu'au bélier qui avait deux cornes, lequel j'avais vu se tenant près du fleuve, et il courut contre lui dans la fureur de sa force. Et je le vis approcher du bélier, et s'irritant contre lui, il heurta le bélier, et brisa ses deux cornes, et il n'y avait aucune force au bélier pour tenir ferme contre lui, et quand il l'eut jeté par terre, il le foula, et nul ne pouvait délivrer le bélier de sa puissance. Alors le bouc d'entre les chèvres devint fort grand, et sitôt qu'il fut devenu puissant, la grande corne fut rompue, et en sa place il en crut quatre, fort apparentes, vers les quatre vents des cieux. Et de l'une d'elles sortit une autre corne, petite, qui s'agrandit vers le Midi, et vers l'Orient, et vers le pays de noblesse. Elle s'agrandit même jusqu'à l'armée des cieux, et renversa une partie de l'armée, et des étoiles, et les foula. Même il s'agrandit jusqu'au chef de l'armée, et le sacrifice continuel fut ôté par cette corne, et le domicile assuré de son sanctuaire fut jeté par terre. Et un certain temps lui fut donné, à cause de l'infidélité, contre le sacrifice continuel, et elle jeta la vérité par terre, et fit de grands exploits, et prospéra. Alors jouit un saint qui parlait, et un saint disait à quelqu'un qui parlait, jusqu'à quand durera cette vision touchant le sacrifice continuel, et touchant le crime qui cause la désolation, pour livrer le sanctuaire et l'armée à être foulée? Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, après quoi le sanctuaire sera purifié. Or, quand moi, Daniel, j'eus vu la vision, et que j'en eus demandé l'interprétation, voici, comme la ressemblance d'un homme se tint devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu du fleuve Ulaï, qui cria, et dit, Gabriel, fais entendre la vision à cet homme-là. Puis Gabriel s'en vint près du lieu où je me tenais, et quand il fut venu, je fus épouvanté, et je tombai sur ma face, et il me dit, fils d'homme, entends, car il y a un temps marqué pour cette vision. Et comme il parlait avec moi, je m'assoupis ayant le visage contre terre, puis il me toucha, et me fit tenir debout dans le lieu où je me tenais. Et il dit, voici, je te ferai savoir ce qui arrivera à la fin de l'indignation, car il y a une assignation déterminée. Le bélier que tu as vu, qui avait deux cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Et le bouc velu, c'est le roi de Javan, et la grande corne qui était entre ses yeux, c'est le premier roi. Et ce qu'elle s'est rompue, et que quatre cornes sont venues en sa place, ce sont quatre royaumes qui s'établiront de cette nation, mais non pas selon la force de cette corne. Et vers la fin de leur règne, quand le nombre des perfides sera accompli, il se lèvera un roi, fourbé d'un esprit pénétrant. Et sa puissance s'accroîtra, mais non point par sa force, et il fera de merveilleux dégâts, et prospérera, et fera de grands exploits, et il détruira les puissants, et le peuple des saints. Et par la subtilité de son esprit, il fera prospérer la fraude en sa main, et il s'élèvera en son cœur, et en perdra plusieurs par la prospérité, il résistera contre le Seigneur des Seigneurs, mais il sera brisé sans main. Or la vision du soir et du matin, qui a été dite, est très véritable, et toi, qu'achète la vision, car elle n'arrivera point de longtemps. Et moi, Daniel, je fus tout défait et malade pendant quelques jours, puis je me levai, et je fis les affaires du roi, et j'étais tout étonné de la vision, mais il n'y eut personne qui l'entendit.